Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Phagette pour votre émission de vulgarisation scientifique Mission Impossible. Si vous ne nous connaissez pas encore, Mission Impossible est une émission où je suis accompagné des agents Justine. Bonjour Justine. Et bonjour Gaëtan et bonjour à tous. De l'agent Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Gaëtan, bonjour Justine, bonjour à tous. Et donc nous sommes tous les trois élèves à l'ENSIC. Durant la demi-heure que nous allons passer ensemble, nous allons vous expliquer le fonctionnement de faits scientifiques, tous plus intéressants les uns que les autres. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, l'ENSIC est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Mais il est maintenant l'heure de dérouler le sommaire du cours. Justine, de quoi vas-tu nous parler? Alors d'abord, on va se plonger dans le corps humain et voir de quoi est composé le sang qui coule dans nos veines. Je ne me fais pas de sang d'encre, je sais que tu vas nous apporter plein de connaissances sur le sujet. Et puis après? Et bien ensuite, on verra un petit peu le processus de fabrication du caoutchouc. Génial! Surtout qu'on le retrouve partout, et surtout, c'est la base de nos pneus de voiture. De ton côté, Bertrand, quels seront tes sujets aujourd'hui? Alors pour ma part, je vais tout d'abord apporter une petite touche sucrée à l'émission et vous expliquer comment on fabrique simplement les bonbons. Et puis, comme nous sommes tous les trois des élèves dans une école qui enseigne entre autres le génie des procédés, je vais vous parler des différents types de réacteurs que l'on peut retrouver dans nos industries. Le plan d'action est donc bien établi. Entrons dans le cœur de l'émission et ça commence avec ta première chronique, Justine. Dis-nous en plus. Merci bien Gaëtan. Alors oui, maintenant on va parler de quelque chose qui est indispensable à tout être vivant en possédant évidemment, plus particulièrement d'un fluide qui circule en nous, et c'est bien le sang. Alors, petite mise en contexte d'abord, nous les mammifères possédons un système en fait circulatoire qui est clos, donc fermé, composé de veines et d'artères entre autres, où passe le sang, mais il va aussi passer successivement par le cœur, les poumons et les différents organes. Ceci dans le but de nous alimenter en dioxygène, donc le O2 de l'air, pour faire tourner nos cellules. On dit que les vaisseaux faisant aller le sang du cœur vers les organes, ce sont les artères, et des organes au cœur, eh bien, ce sont les veines. Par contre, les poissons comme la truite ont aussi un système circulatoire fermé, mais pas exactement comme le nôtre. Par contre, des animaux comme l'écrevisse ont un système ouvert, car leur fluide, qui n'est d'ailleurs pas du sang, ne tourne pas en boucle. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de quoi est composé notre sang. Alors voyons ça. On a d'abord les globules rouges, qu'on appelle aussi hématies ou encore érythrocytes. Ce sont des petits disques en fait biconcaves. Pour vous représenter la forme, vous pouvez tout simplement prendre un ballon de baudruche un peu dégonflé et vous appuyer en fait dessus avec vos deux mains face à face. Et ça vous fera à peu près la forme. Donc ces globules, ils sont rouges à cause d'un pigment qui est l'hémoglobine, où au centre se trouve du fer. Et c'est sur l'hémoglobine que se fixe donc le dioxygène pour ensuite être transporté. Après les rouges, eh bien on a les globules blancs cette fois, ou aussi on appelle leucocytes. En fait, ce sont eux qui nous gardent en bonne santé, car ils vont combattre les infections là où il y en a, en détruisant eh bien ce qui pourrait nous nuire. Ensuite, on trouve les plaquettes, ou aussi appelées thrombocytes. Ce sont des cellules plus petites que les globules, et elles ont la capacité à en fait s'agglomérer. C'est-à-dire qu'elles vont être sollicitées en cas de rupture d'un vaisseau pour aller cicatriser. Et elles servent donc à la coagulation sanguine. Et enfin, le plasma, qui est composé en majorité d'eau et de sels minéraux, il va alors transporter les cellules sanguines et les substances nutritives. Il assure la régulation de l'eau et des sels minéraux dans l'organisme. Il irrigue aussi les tissus et aide dans la défense immunitaire. Il contient une protéine qui est l'albumine et qui est très importante, et qui empêche globalement de perdre trop d'eau. Et donc voilà, vous en savez un peu plus sur ce fluide qui nous permet à tous de bien fonctionner. Eh bien, merci Justine pour toutes tes explications, fort intéressantes, je dois dire. Si j'ai tout bien compris, le sang joue le rôle du transporteur d'oxygène pour tous nos organes et est composé, tu l'as dit, de globules blancs et rouges, comme le vin, ainsi que de plaquettes et de plasma. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça, et donc chaque élément joue un rôle bien précis. C'est le moment de marquer une petite pause. On s'écoute Bad Blood de Taylor Swift et on se retrouve juste après pour la suite de notre mission sur Fadjet. 'Cause baby now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby now we got bad blood. Hey, now we got problems. And I don't think we can solve. you have to hit me where I'm weak, baby. I couldn't breathe and rub it in so deep. Salt in the wound, like you're laughing right at me. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. 'Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Hey! Now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby, now we got bad blood. Hey! Did you think we'd be fine? Still got scars on my back from your knife. So don't think it's in the past. These kind of wounds, they last and they last. Now did you think it all through? All these things will catch up to you, and time can heal, but this won't. So if you're coming my way, just don't. Oh, it's so sad to think about the good times. Just for show, if you live like that, you live with ghosts. Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show. If you live like that, you live with ghosts. If you love like that, nous sommes de retour sur Radio Fadjet et vous êtes en plein cœur de votre émission de vulgarisation scientifique Mi Science Impossible. Justine venait à l'instant de nous parler de la composition du sang qui circule dans nos veines. Passons maintenant à la suite avec la chronique sur les réacteurs, non pas des fusées, mais ceux de l'industrie chimique. Bertrand, à toi de jouer. Alors, comme l'a dit Gaëtan, je vais vous parler de réacteurs. Mais tout d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un réacteur dans l'industrie et plus couramment dans l'industrie chimique. Quand je vous dis réacteur, vous pensez sûrement, comme l'a dit Gaëtan, aux réacteurs d'avion ou aux propulseurs des fusées, ou encore aux espèces de grosses structures caractéristiques des réacteurs nucléaires. Eh bien, dans l'industrie, ce n'est pas ça qu'on appelle un réacteur. Ce que l'on appelle un réacteur, ça remplit simplement le rôle d'une marmite. Vous mettez des ingrédients en entrée et vous avez une mixture en sortie. Mais alors, quels sont les différents types de réacteurs? Pour simplifier, je ne vous parlerai que des trois plus courants. Commençons avec le plus simple. Celui qu'on appelle le réacteur parfaitement agité fermé, ou RPA fermé. Ce sont littéralement des marmites. On met des ingrédients, on agite de façon à ce que tout soit bien mélangé, on n'a pas de petits bouts de patate qui restent dans un coin ou un bout de poireau qui n'est pas bien fait, et quand la cuisson est terminée, on récupère la soupe. On nettoie la marmite et on recommence. Donc c'est un cycle à la fois. Parlons maintenant des réacteurs ouverts. Il y en a plusieurs types, mais concentrons-nous maintenant sur le réacteur parfaitement agité ouvert, ou RPA ouvert, pour le moment. Alors, quelle est la différence entre cette marmite et la marmite précédente? C'est très simple. Vous avez des ingrédients qui arrivent en entrée de façon continue, et vous avez une mixture qui sort de façon continue en sortie. Là encore, il faut une agitation parfaite. Voyons ça avec un exemple pratique. Vous voulez, par exemple, en sortie de l'eau avec du sirop dedans, bien aromatisé comme vous aimez. Vous mettez une arrivée d'eau, vous mettez une arrivée de sirop dans la marmite, vous agitez la marmite, donc vous imaginez votre mère en train de touiller avec une spatule, et vous avez un trou au fond de votre marmite qui laisse sortir le fluide. Si votre mère agite correctement la solution tout le temps de la même façon, la solution en sortie sera toujours de l'eau avec du sirop, toujours bien dosée. C'est pour ça qu'on dit que ce réacteur est de manière continue. Je vais donc vous parler du dernier type de réacteur, à savoir le réacteur à écoulement piston, ou tout simplement le réacteur piston. Grosso modo, ça se présente sous la forme d'un gros tube garni d'un matériau solide présent sous forme de grains, de taille et de forme variables. Le but est simple. Cette fois, la solution n'a pas la même concentration en tout point du tube, contrairement aux marmites précédentes. Pour reprendre l'exemple du sirop, vous pourriez avoir beaucoup de sirop en entrée de piston et très peu en sortie. Comment ça marche ? Eh bien, pour faire simple, il faut imaginer que chaque tranche de votre cylindre est une toute petite marmite continue. Vous me direz alors, quel est l'intérêt ? Eh bien, je ne peux pas vous expliquer avec du sirop. Alors passons sur du concret. En général, la solution que vous envoyez en début de réacteur piston, c'est une solution avec des espèces chimiques qui doivent réagir ensemble pour former une autre espèce chimique. Malheureusement, les espèces chimiques en entrée, elles sont pas très copines et elles veulent pas réagir ensemble. Le solide dans le piston, ce qui peut être parfois un catalyseur, va aider les espèces chimiques à faire ami-ami. Et plus le fluide va avancer dans le piston, plus les espèces auront fait ami-ami. Et plus on aura une concentration en espèces voulues élevée dans la solution. Là, je vous ai expliqué qu'une infime partie de ce que sont les réacteurs, mais j'espère avoir été clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à venir nous les poser, nous y répondrons. Tout à fait. Les réseaux de Miss Science Impossible sur Facebook et Instagram sont toujours ouverts pour les plus curieux. Et puisqu'on a évoqué l'industrie, on y reste encore un petit peu avec Justine, qui va nous parler de la fabrication du caoutchouc. Je te laisse la main. Et oui, voyons un petit peu ça. Alors, il faut d'abord savoir qu'il existe deux types de caoutchouc. Un issu de matière naturelle et un autre de matière synthétique. Il se trouve en fait que ça fait même plusieurs siècles qu'on peut dire qu'on utilise du caoutchouc, car on raconte que des populations autochtones en Amérique se fabriquaient des objets avec une matière issue de latex. Alors parlons d'abord du caoutchouc donc dit naturel. Celui-ci est fait à partir donc de latex, qui provient lui-même de plusieurs plantes, en majorité un arbre qu'on appelle l'EVA. Pour le récolter, en fait il faut faire une encoche dans l'écorce du tronc de l'arbre, ce qui va ouvrir les canaux dits laticifères et laisser s'écouler donc le latex, qui est un liquide blanc. Celui-ci peut sortir, car dans l'écorce, les canaux sont sous pression parce qu'ils sont comprimés, et donc si vous les ouvrez, le liquide va facilement sortir. D'ailleurs, ce latex est très utile à l'arbre, car il permet de soigner ses plaies, entre guillemets, et donc de limiter la contamination bactérienne. Et d'autres espèces de plantes produisent aussi du latex, mais celui-ci n'est pas d'assez bonne qualité pour l'utiliser comme on voudrait. Après s'être écoulé, le latex va alors coaguler et être récolté. Bon, on n'est pas encore arrivé au caoutchouc. Pour ça, il faut le traiter. Alors, donc, nos petits blocs de latex sont déchiquetés et débarrassés des impuretés. Ensuite, les morceaux sont étirés pour être lavés en profondeur, puis essorés. Ensuite, ils sont séchés et les morceaux vont se recoller entre eux. Et on peut enfin dire qu'on a du caoutchouc, qui sera mis sous forme de balle d'une trentaine de kilos. Alors, maintenant pour parler un petit peu du synthétique. En fait, il est issu bien du pétrole. Il se trouve qu'en fait, c'est un polymère d'une molécule qu'on appelle l'isoprène. Il est donc formé d'hydrocarbures et c'est donc bien issu du pétrole. Et on dit aussi que c'est un élastomère. Et c'est notamment pendant la Première Guerre mondiale que s'est intensifié le besoin en caoutchouc pour l'automobile et la marine par exemple, car celui naturel ne devenait pas suffisant. L'Allemagne va alors produire un caoutchouc à base de méthyle, qui est l'hydrocarbure le plus simple, mais ensuite la Russie va aussi s'y mettre, avec un autre à base de pétrole et d'alcool éthylique. Donc voilà un petit peu pour les histoires autour du caoutchouc. Histoire et science sont bien souvent liées, et c'est toujours intéressant d'en apprendre sur ces deux terrains. Allez, écoutons un peu de musique avant de passer à la dernière partie de l'émission. Écoutons ensemble Candy d'Iggy Pop sur Fadjet. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years. fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so, candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy, candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad when you left. Yeah, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need a retour sur Radio Fadjet pour la dernière partie de votre émission de vulgarisation scientifique Mission Impossible. Justine venait de nous faire une super chronique sur le caoutchouc, mêlant science et histoire. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller écouter cette émission en podcast sur notre chaîne YouTube ou sur le site de Radio Fadjet. Bertrand, maintenant tu vas parler à l'enfant qui est en nous avec ta chronique sur la fabrication des bonbons. Je te laisse nous en dire un peu plus sur ce sujet. Donc, comme l'a dit Gaëtan, parlons maintenant bonbons. Personnellement, j'avais un gros problème de dépendance envers eux jusqu'à peu, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment ils sont fabriqués. Enfin, je dis ça, mais malheureusement tous les procédés de fabrication sont des secrets de marque, et donc on n'a pas d'informations exactes sur la façon dont ils sont faits. Mais c'est pourquoi, une fois n'est pas coutume, je vous proposerai de faire vous-même vos bonbons maison. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans un bonbon ? Grosso modo, dans un bonbon, il y a de la gélatine, souvent de la gélatine de porc, des colorants, du sucre, des arômes artificiels et un agent d'enrobage. Et grosso modo, c'est tout ce qu'il y a. La gélatine, c'est ce qui va vous donner cette texture élastique qui est caractéristique de ce que vous pouvez, enfin, une caractéristique que vous pouvez retrouver chez les nounours Haribo ou chez les crocos Haribo. La gélatine, c'est simplement une molécule qui est obtenue en faisant bouillir la peau des cochons que l'on récupère en abattoir. Il existe aussi de la gélatine de poisson. Et c'est, et de loin, la matière première la moins chère dans la fabrication du bonbon. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup dedans. Maintenant, parlons colorant. Il en existe plein. D'ailleurs, parfois, au dos des paquets, vous pouvez lire colorant E104, E128, etc. Eh bien, sachez simplement que le E, ça vient simplement de Europe. Et le numéro qu'il y a derrière est caractéristique du colorant. Par exemple, le E104 est un colorant jaune et le E128 est un colorant rouge. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de parler du sucre. Je pense que vous voyez tous ce que c'est. Mais est-ce que vous savez ce qu'est un agent d'enrobage ? Gaëtan, Justine, vous avez des idées ? Je dirais que ça sert à mettre une petite pellicule pour faire tenir le bonbon dans la forme souhaitée. Mm-hmm. Justine. Ouais, c'est un peu la même idée que j'aurais. C'est oui, quelque chose qu'on va mettre autour pour qu'il se tienne, pour pas qu'il se désagrège, pour qu'il garde bien sa forme qu'on lui a donnée. Eh bien, je suis content vu que vous avez tous les deux la même réponse et tous les deux que la moitié de la bonne réponse. C'est-à-dire que c'est bien quelque chose que l'on met autour. Mais malheureusement, ce n'est absolument pas fait pour maintenir la structure du bonbon. C'est simplement de l'esthétique. Ça va simplement donner une couleur brillante à certains bonbons comme les harlequins. Et le plus souvent, c'est simplement de la cire d'abeille. Tout simplement. Ensuite, on peut ajouter dans les bonbons des arômes artificiels ou naturels dans certains cas, mais c'est plus rare parce que, fatalement, les naturels sont moins chers que les artificiels. Il est maintenant temps de passer à la partie la plus intéressante, comment faire son propre bonbon. Et contrairement au papier de la dernière fois, celui-là, je l'ai fait et ça marche. Il vous faudra du colorant alimentaire. C'est pas obligatoire, mais ça rendra les bonbons beaucoup plus appétissants si vous avez des enfants en bas âge. Ça marche beaucoup mieux. 5 feuilles de gélatine ou une cuillère à café de poudre d'agar-agar. C'est équivalent. Il vous faudra aussi 200 g de sucre, du jus de citron et du jus de fruits sans pulpe. Vous pouvez en prendre avec pulpe, mais la texture sera différente. Vous pouvez prendre du jus de pomme, d'ananas, d'orange, enfin, ce que vous préférez, quoi. Dans un premier temps, il faut faire bouillir dans une casserole 10 cuillères à soupe de jus de fruits et 4 cuillères à soupe de jus de citron et le sucre. Une fois que ça bout bien, vous sortez la casserole du feu et vous ajoutez la poudre d'agar-agar. Attention, si vous utilisez des feuilles de gélatine, il faut d'abord les ramollir dans un bol d'eau froide avant. Ensuite, vous touillez bien. Vous pouvez maintenant ajouter vos colorants alimentaires, bleu, vert, jaune, rouge, faites-vous plaisir. À savoir, si vous voulez utiliser plusieurs couleurs, divisez simplement votre mixture dans plusieurs bols avant de les colorer. Versez ensuite la potion dans des moules en silicone, enfin du genre moule à glaçons, hein, ça marche très bien, et vous laissez reposer 2 bonnes heures. Suite à ça, faut pas les retirer de quoi que ce soit, vous prenez simplement vos moules, vous sortez les bonbons, vous roulez ça dans du sucre, et ensuite, bonne dégustation. Eh bien, voilà une belle chronique sur l'ennemi numéro 1 des dentistes. Merci pour cette belle recette. Et je rappelle qu'évidemment, si vous voulez avoir tout son contenu, eh bien, vous pouvez retourner écouter l'émission soit sur notre chaîne YouTube, Mission Impossible, soit sur le site de la radio Fadjet. Et nous allons maintenant désormais passer au quiz de fin d'émission. C'est parti! Alors, y a-t-il un thème ? Enfin, je pose cette question, mais c'est quasiment toujours le cas d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Cette question fait partie intégrante de l'émission, il faut qu'elle soit posée. Ah, c'est pour ça. Donc du coup, j'ai réutilisé un sujet qu'on avait déjà fait dans une émission, et je vais vous faire un quiz sur le 14 mai, qui est notre jour de diffusion. T'aimes bien les jours, toi, Gaëtan. C'est du plagiat. Ah, oui, mais en fait, si tu veux, le jour est une base... Le jour est une base, et puis après, moi, j'extrapole un petit peu. Et donc, je vais vous poser une première question sur Mark Zuckerberg, qui est né le 14 mai 1984. Ah oui, d'accord. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Mark Zuckerberg, donc créateur de Facebook, possède un compte Twitter. Oui, C'est toujours bon de voir ce que propose la concurrence. Mais il reste fidèle à son réseau social, puisque le grand patron de Facebook, depuis 2009, n'a tweeté que 4 propositions de réponse. Une seule fois, pour dire « ce sera mon premier tweet et mon dernier ». Ou bien 19 fois, histoire de rappeler de temps en temps que l'herbe est plus verte dans le réseau d'à côté. 99 fois, mais il ne retweete que des posts des gens de sa boîte, il n'en démord vraiment pas. Ou 999 fois, en fait, il partage toutes les vidéos avec des animaux rigolos qu'il voit, un peu comme tout le monde, en fait. Alors, selon vous, quelle est la bonne réponse ? Est-ce que tu peux rappeler les deux dernières, s'il te plaît ? Donc, c'est une fois, je vais tout rappeler, une fois, 19 fois, 99 ou 999. Moi, déjà, j'éliminerai la dernière, je pense. Oui. J'aimerais beaucoup que tu me dises que c'est la première. Juste pour le principe. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, donne-moi un petit billet, je peux te dire ce qui t'arrange. Hein. Il y a pas de... Je te glisserai ça à la fin d'émission. Non, je vais effectivement partir sur le 1, juste pour le plaisir. Ok, et toi Justine, ton choix se porte sur Pour le coup, pour moi les trois premières seraient crédibles, mais j'irais plus sur la troisième qui retweet des trucs des gens de sa boîte là. Ok. Eh bien, un roulement de tambour. Je vous ai donc piégé puisque c'est 19 fois. Oh. Et voilà, donc moi aussi, pour le beau jeu, j'aurais aimé que ce soit un seul tweet pour rappeler qui est le patron, mais ça reste mon rêve. Ok, on va ensuite passer à une deuxième question qui porte sur le film Forrest Gump. Et donc, je vais vous faire le lien avec le 14 mai, vous allez voir. Le réalisateur du film, c'est donc Robert Zemeckis, et il est né le 14 mai 1952. Et donc, à propos du film Forrest Gump, laquelle des trois propositions suivantes est la bonne ? Le film n'a failli jamais voir le jour à cause d'une grosse engueulade entre le réalisateur Zemeckis et un des producteurs du film, le second reprochant au premier d'avoir des liaisons intimes avec son épouse, ou bien... L'acteur jouant le rôle principal, Tom Hanks, n'a pas souhaité être payé pour le tournage du film. Ou bien, troisième proposition, le film étant tiré d'un livre, le rôle principal a d'abord été proposé à Brad Pitt, qui a refusé le rôle car il avait trouvé le bouquin, je cite, « ennuyant à en crever ». Eh bien. Une des trois seulement est vraie, les deux autres sont de mon petit cerveau de fou, savant fou. Je sais qu'il y a eu un film... Enfin, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu pas mal. Où il y a effectivement le rôle principal qui avait été proposé à quelqu'un qui, après avoir lu le script ou l'œuvre originale, a complètement refusé le cas. Ça a été le cas pour Pirates des Caraïbes d'ailleurs. Jack Sparrow ne devait pas être. Je ne sais plus qui joue. C'est Johnny Depp qui joue Jack Sparrow. Ça ne devait pas être Johnny Depp. Et au final, ça l'est. Je ne sais pas. Le fait que j'aimerais bien que ce soit la 2. Juste parce que j'aimerais bien, tu vois, je vais suivre les réponses de j'aimerais bien. Donc je vais prendre la deuxième réponse. Donc Tony Hawk n'a pas voulu être payé. Ouais, Tom Hanks, Tony Hawk c'est un skater. Oula, oui. Oh, pas de soucis. Oui, mais moi j'ai un souci là avec mon erreur. Et toi, Justine, alors l'engueulade, le paiement ou alors le refus ? Bah écoute, je vais aller sur le refus qui n'a pas voulu jouer parce qu'il trouvait ça ennuyant. Très bien. Alors, deuxième roulement de tambour. Il va être très content aujourd'hui. Il nous aura piégé plusieurs fois. Ouais, non, là, je veux dire qu'il y a une bonne réponse. Là, j'avoue, il y a une bonne réponse. Ah ! Puisque c'est vrai que Tom Hanks n'a pas été le premier à qui on a proposé un rôle, mais c'était pas Brad Pitt. J'ai inventé cette histoire. Et en revanche, Tom Hanks n'a pas souhaité être payé pour le tournage de ce film, ce qui est vrai. Donc Bertrand, bien joué à toi. Okay. Bah, Justine a eu la bonne réponse aussi. Non, parce qu'en fait, si tu veux, il y a eu d'autres acteurs qui ont été proposés, mais pas Brad Pitt. Et la justification, tout ça sort de mon cerveau. Elle avait à moitié bon. Tu m'as donné de l'espoir au début. C'est vrai, Et donc, en fait, il n'a pas voulu être payé pour le film, mais il a demandé des parts sur les recettes, et ça lui a fait un joli pactole de 40 millions au final. Donc, le mec Il est n'a pas été visionnaire. super donc ça. Le mec est visionnaire, ouais. C'est comme dans le film quand il achète des parts dans une entreprise fruitière Apple. Exactement. Et on passe au dernier thème, au dernier quiz. On va rester dans le monde du cinéma américain et on va parler de Star Wars, puisque son réalisateur, George Lucas, vous l'avez peut-être déjà deviné, né un 14 mai en 1944. Donc, toujours trois propositions de réponse, à vous de trouver la bonne. Alors, avant que tu donnes les propositions de réponse, je tiens à préciser Dis-moi. que si jamais je n'arrive pas à trouver la bonne réponse, je me fais déshériter par mon père. Donc vas-y, je t'écoute. Eh bien, si c'est le cas, nous ne diffuserons pas l'émission. Allez, Merci. je commence. Première proposition. Harrison Ford, qui joue le rôle de Han Solo, a failli être remplacé entre deux épisodes de la saga car il aurait eu une violente dispute avec George Lucas, le réalisateur. Car il était également propriétaire de la boîte de production qui a financé les Indiana Jones, où donc Harrison Ford tient le premier rôle. Et le sujet de la discorde. Je vous le donne en mille. Pendant le tournage d'Indiana Jones, Harrison Ford, désirant d'avoir un peu plus que le rôle, cherchait à s'approcher de la femme de Lucas, qui n'aimait pas trop ça. On peut le comprendre. Ouais, tu m'étonnes. Deuxième proposition, la tenue des soldats Stormtroopers, agissant sous les ordres du grand Dark Vador, sont inspirées des petites figurines que l'oncle de George Lucas lui avait confectionnées pour ses 11 ans. Troisième proposition, le compositeur des musiques de Star Wars, mais également de celles de Jurassic Park, Indiana Jones, on y revient, ou encore Harry Potter, n'est autre que John Williams. Il aurait été recommandé par Steven Spielberg, rien que ça, alors que George Lucas voulait plutôt utiliser des musiques qui existaient déjà. Alors, selon vous, où se niche la bonne information? Je vais dire la dernière. Pour le plaisir de me dire que tu as comment dire, du piston entre producteurs. Il y en a de base, mais c'est pour le plaisir. Ok, je note. Et toi, Tina, est-ce que tu suis Bertrand ou tu prends une autre réponse? Non, bah écoute, je vais aller plutôt sur la deuxième avec les figurines. Très bien. Les votes sont clos. Roulement de tambour. Bertrand sera-t-il déshérité ce soir? Bertrand pourra compter sur le petit pactole, car il a la bonne réponse. Ah. Et oui, en fait, à la base, George Lucas, il voulait faire comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, prendre des musiques qui existaient déjà. Et puis Spielberg, il dit, oh, tiens, il y a un mec qui a un peu de talent, il s'appelle John Williams. Il n'est pas encore 8 fois oscarisé, mais prends-le, prends-le. Bon, bah, on a vu qu'il avait bien fait. Je dormirai chez dans un lit après-demain. Parfait. Et c'est sur cette fin de quiz que s'achève également cette émission de Mission Impossible. Nous espérons bien sûr qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, pour avoir accès aux précédentes émissions. Et vous pouvez également venir poser vos questions et nous y répondrons peut-être dans une future émission. On se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 28 mai, comme d'hab à 16h, pour de nouveaux faits scientifiques. Bonne fin de semaine et à bientôt! À bientôt! Prochaine!